cette terre, j'ai su rester fort. Maudit soient tous les responsables de mes échecs. Bénis à ceux qui depuis le début n'ont pas lâché avec moi la conquête. Durant ces années où mon esprit s'est forgé, où j'ai compris que tôt ou tard mes efforts seraient récompensés. La vraie merde, trop d'obstacles, la vision négative. Fallait que je m'arrache d'ici fuir comme un fugitif pointu. Je ferais plus connaître la gloire sans avoir vu la merde voiture. En connaissance de cause, c'est la devise d'après mon vécu. Faut tout faire pour gagner, réussir ses projets. N'arrache-les, j'ai tant échoué. Maintenant je sais que je suis prêt. Comme tous mes gars, j'estime que tout m'est dû. 9-8, je reviens gagner tout ce que j'ai perdu. Hey yo, y'a pas de bleu. T'as rien sans rien dans cette vie, tu le sais. J'ai l'avant mes projets en fonction d'une défaite. On ne sait jamais ce qui se passera demain. Mais Dieu me garde de tout ce désespoir. Sous mes gardes, est-ce qu'on vient remporter toutes mes mises? Ma victoire, je la mérite aussi. Trop d'MC sont de la partie. Ouvrez les paris. Les jeux sont faits, je reprends le service. Bouddha, tu sors répit. Au microphone, j'oublie ma routine. Les combines du quartier ruine. Mon avenir dans l'abîme, j'hallucine. La paresse me tue comme la nicotine. Je combats contre toute sorte d'ignorance pour pouvoir rester digne. Sous plein d'obstacles, de barrages qui bloquent ton chemin. Des barrières qui te coincent, mais sois ancien ta frangin. La vie est longue, ça vaut mettre une plombe pour sortir de l'ombre. Faut perdre pour gagner même dans le pire des mondes. Sous plein d'obstacles, de barrages qui bloquent ton chemin. Des barrières qui te coincent, mais sois ancien ta frangin. La vie est longue, ça vaut mettre une plombe pour sortir de l'ombre. Faut perdre pour gagner même dans le pire des mondes. Y'a quoi? Je me bats pour sortir de toutes tes impasses. Y'a quoi? Plus j'avance et plus l'obscurité s'efface. Y'a quoi? Cherche ton chemin, lâche pas l'affaire frangin. Je te nourris pas de faux espoirs, l'avenir nous appartient. De jour en jour je bois, mon style travaille, mon flow, le rap me tient à cœur. J'ai la foi pour ça, je donnerai le meilleur de moi. Une force mentale c'est de mon crew, la clique à les gars. Soyez prêts pour le combat, Bouddha débarque, t'es pas prêt d'oublier ça. Je reviens plus fort, plus mûr pour affronter les obstacles. Les murs se brisent, les trappes se referment. Au max, je claque, je passe une dédicace à tous mes gars dans la place. Tous mes gars dans la place, le vrai hip hop en masse. La route on vit, faut que je prenne ma part du gâteau. Si t'as échoué mille fois, je dois partir avec le flambeau. Marre du repos, des longues patience deep. T'es pas trip, des coups de flip. Maintenant faut que tu flippes sur mon script. J'dis que la vérité, ma sincérité s'est accentuée. J'vois plus clair et mes actes ont pris plus de maturité. J'suis formé, Raphaël comme un nom du ciel. Apporte la persévérance pour les miens, brille comme l'étincelle. Fini les sales angoisses tragiques. Je représente pour ma clique. Faut pas baisser les bras, j'ai plus le choix, c'est automatique. Y'a pas de doute, les conséquences sont rudes. C'est les règles du jeu. Sois pas sûr, attends ton tour. Ouvre grand les yeux, faut perdre pour gagner. Job, y'a faut perdre pour gagner. Toi-même, tu sais. 98. Réaliser ses projets, c'est pas de se gagner. J'étais connecté, clique en représentation. C'est plein d'obstacles, de barrages qui bloquent ton chemin. Des barrières qui te coincent, mais sois en certains frangins. La vie est longue, ça vaut mettre.